Compétences. Écoutez. Page 112, activité 1. Bulletin météorologique. Écoutez les bulletins météo, puis associez-les aux cartes suivantes. À quelle saison correspondent ces trois bulletins ?